Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, Yougoslavie, la guerre au cœur de l'Europe. Une série de Christelle Le Polothèque réalisée par Somanina. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce qu'il y a 30 ans commençait le siège de Sarajevo qui a marqué les esprits et que c'est le moment où les guerres de Yougoslavie se sont emballées pour une dizaine d'années de nettoyage ethnique, de crimes et de violences de guerre que l'on a tenté de juger et d'arrêter sur le champ. Et dans vos oreilles aujourd'hui, l'usage du viol comme arme de guerre, Srebrenica, la fort pronue, le nationalisme et une avocate qui se souvient des témoignages et des confrontations où se retrouvaient face à face d'anciens voisins. Mais pour commencer, troisième épisode, on ressort les archives. That I have now decided to stay here in Srebrenica. You are now under the protection of the UN forces. En mars 1993, le général Morillon, commandant de la Fort Pronu, promet aux habitants de Srebrenica qu'il ne les abandonnera pas. Les récits de massacres, de viols, de tortures commis dans des camps de détention, mais aussi les centaines de milliers de personnes déplacées, poussent le Conseil de sécurité de l'ONU, en mai 1993, à adopter la résolution 827, portant création du TPIY, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Premier tribunal de guerre créé par les Nations Unies, il a pour but de juger les responsables des crimes dans l'espoir hypothétique de mettre ainsi fin à la violence. Malgré cela, deux ans plus tard, en juillet 1995, l'armée de la République serbe de Bosnie, dirigée par le général Mladic, exécute plus de 7000 hommes à Srebrenica, pourtant déclarée zone de sécurité, sous la responsabilité de 400 casques bleus néerlandais. Ni la Fort Pronu, ni le TPIY ne parviennent à mettre un terme au nettoyage ethnique durant la guerre de Bosnie. Comment rendre justice et préserver la paix alors que la guerre bat son plein? La Yougoslavie, la guerre au cœur de l'Europe. Un tribunal en temps de guerre. Par Christelle Le Polothèque et Somanina. On est en 93, c'est le moment le plus fort de la guerre, il n'y a pas de solution possible, il n'y a pas de négociation, et donc on crée ce tribunal. Stéphanie Maupas, journaliste. C'est un peu ce qu'avait dit l'une de ses défenseuses, Madeleine Albright, qui était secrétaire d'État américaine à l'époque, et qui avait expliqué ensuite que c'était un petit peu un tigre de papier et que personne réellement n'y croyait, à New York, au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais bon, ça ne dérangeait personne, en quelque sorte, de pouvoir créer ce tribunal, ce qu'ils ont fait. Et il est créé par l'ONU, donc par le Conseil de sécurité de l'ONU, et il a adopté sans difficulté, même par les Russes. Mais c'est vrai que c'est un tribunal qui commence par travailler dans une période de guerre. Et c'est une situation qui était assez compliquée pour les juges, parce qu'en fait, ils se trouvaient dans une situation où les crimes sur lesquels ils devaient se pencher, les crimes dont ils devaient juger les auteurs, eh bien, étaient encore en cours. Et ils pouvaient voir dans les journaux, à la télévision, que ces crimes se poursuivaient. Voilà, c'est un tribunal qui est créé, qui démarre en temps de guerre. C'est une des spécificités de ce tribunal. Ce sont des juges qui ont été sélectionnés par les États au niveau national. Donc leurs candidatures sont proposées pour élection au Conseil de sécurité. Il y a ensuite un vote qui se déroule au Conseil de sécurité. Il faut... Au tout début, en fait, les Russes ont été assez mécontents, pas sur le fond finalement de ce tribunal, mais sur le fait qu'ils n'ont pas eu de juge élu au démarrage de ce tribunal, et donc ils étaient assez furax de ce qui se passait. Et c'est vrai que les Américains ont été très proactifs. Ont réussi à faire élire leur juge, qui est devenu aussi présidente de ce tribunal, et qu'ensuite, aussi sur les règles de droit, c'est-à-dire que il y avait un cadre qui était un statut qui disait que le tribunal pouvait poursuivre les auteurs de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, qui donnait les règles de fonctionnement de base de ce tribunal, d'établissement de ses locaux à La Haye, par exemple, mais les règles de procédure. Le code pénal, en quelque sorte, de ce tribunal a été créé par la suite. et les Américains ont aussi été très très actifs dans ce domaine-là. Et donc c'est en quelque sorte eux qui créent le code pénal du tribunal pour l'ex-Yougoslavie via le barreau américain. Et du coup, eh bien, il y a une procédure qui est une procédure à l'anglo-saxonne, une procédure accusatoire, et qui va faire l'objet de nombreuses batailles entre les juges, mais aussi entre les diplomaties. Son procureur était nommé, pareil, par le Conseil de sécurité. Et puis pour le reste, eh bien, c'était le fonctionnement normal d'une agence de l'ONU, où voilà, on va embaucher du personnel pour faire le travail. Les États ont fourni un certain nombre d'enquêteurs, donc c'est pour ça qu'on a eu des enquêteurs qui venaient de Scotland Yard, qui venaient ou du MI6, ou pour les États-Unis du FBI. Enfin, il y a eu des enquêteurs comme ça prêtés, au moins au démarrage de ce tribunal, par la France aussi, hein, qui voilà. Bon, ça c'était le démarrage. À l'époque, en fait, j'étais commissaire de police, chef du groupe de répression du banditisme à la police judiciaire à Nice. Jean-René Ruez, commissaire. Et un appel d'offres avait été lancé, en fait, à l'époque, à tous les commissaires de police de France, comme c'est le cas dans toutes les propositions de poste, parce que le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie recrutait des enquêteurs et faisait donc un appel aux volontaires, et je me suis plus ou moins immédiatement porté volontaire. Je suis arrivé au tribunal en avril 1995, et moi j'ai été reversé dans le groupe d'enquête qui s'occupait du siège de Sarajevo. En juillet 1995, le tribunal a décidé de démarrer une enquête qui en fait était destinée à vérifier des rumeurs de presse suite à la chute de l'enclave de Srebrenica, qui a eu lieu le 11 juillet, et juste quelques jours plus tard, l'assertion était que des milliers d'hommes avaient disparu et bon nombre de journalistes qui suivaient les événements depuis 1992 ont immédiatement tiré la conclusion qu'un homme disparu équivalait à un homme mort. Donc non, nul ne parlait de génocide à ce moment-là, on parlait de disparition et donc de vérifier qu'est-ce qui avait pu se produire. Donc j'ai effectivement été envoyé là-bas, où je suis arrivé, quand on sait que l'enclave est tombée le 11, je suis arrivé le 20, avec un enquêteur et deux interprètes, rapidement suivi par un troisième enquêteur, mais voilà quelle était la force d'enquête du bureau du procureur à l'époque. « 12 juillet 1995. Depuis hier après-midi, l'ONU se retrouve dans une situation sans précédent. Une ville musulmane, Srebrenica, dont voici les dernières images, située dans une zone de sécurité et donc théoriquement protégée par la Fort-Prenu, tombée aux mains des Serbes. Une nouvelle administration civile a aussitôt été mise en place et un maire serbe a été nommé dans une ville qui, il y a quelques jours, comptait 30 000 habitants. Vers 14h30 hier, les F-16 de l'OTAN avaient pourtant tenté d'arrêter la progression serbe, mais ces deux raids sont restés sans résultat. À 17h30, Srebrenica tombait, les chars serbes renversaient les derniers barrages des casques bleus. Quelques instants plus tôt, les 400 soldats néerlandais pris sous le feu décidaient d'abandonner leur poste. Le jour clé, c'est bien évidemment le jour de la chute, va-t-on dire, c'est le 11 juillet. La pression de l'armée serbe se fait extrêmement forte. La population décide de prendre deux types d'actions différentes. Ceux qui pensaient n'avoir rien à craindre des bosno-serbes, ceux qui, les vieux, les femmes, les enfants, se sont tous dirigés vers un endroit de cette enclave qui s'appelle Potocari, où était le quartier général du bataillon onusien tenu par les Néerlandais. Donc ça, on parle d'environ 20 000 personnes, ou un peu plus de 20 000. Et les autres, par contre, c'est-à-dire à la fois les militaires, puisqu'il y avait quand même une force armée musulmane bosniaque à l'intérieur de cette enclave, et tous les hommes en âge de combattre, qui se savaient donc une cible potentielle pour ceux qui rentraient sur ce territoire, eux ont décidé de prendre la fuite à travers les bois et de rejoindre par leurs propres moyens le territoire tenu donc par les musulmans bosniaques, donc en direction d'une ville qui s'appelle Tuzla. Et là, les situations en fait se séparent en deux gros blocs. On va commencer par le bloc qui se retrouve entre les proches du bataillon néerlandais, du quartier général de l'ONU. Un certain nombre d'entre eux, environ 5000, sont accueillis, si on peut dire comme ça, à l'intérieur de ce quartier général, malgré les menaces du général Mladic d'effacer ce site. Et durant deux jours, l'évacuation a lieu. L'armée bosno-serbe insuffle de la terreur parmi la population locale en ciblant des personnes pour les tuer, laissant des cadavres visibles à des points d'eau, afin que lorsque les femmes le matin vont chercher de l'eau, puissent répandre la rumeur que les crimes sont commis. Et tout le monde donc se précipite en direction des bus qui sont chargés de les ramener en territoire musulman bosniaque. Et ça dure deux jours, et ça débute le 12 en fait, et le 13 au matin, après une nuit un peu compliquée, avec des petites opérations militaires, tous ces gens décident de se rendre. Donc c'est une reddition massive qui a lieu au cours de la journée du 13. Mais ce n'était pas une journée de crimes organisés. L'organisation d'exécutions massives, organisées et systématiques, en fait, démarre le lendemain, puisqu'en fait, cette journée du 13, on l'a bien évidemment découvert plus tard, a été la journée au cours de laquelle les officiers de sécurité du corps d'armée de la Drina sont allés au nord pour aller repérer justement des sites où ils pouvaient enfermer les prisonniers, choisir donc essentiellement des écoles avec des gymnases et des terrains à proximité qui pourraient servir de sites d'exécution et également de fosses communes. Ça s'est fait pendant la journée du 13 et la mise en œuvre a commencé dès le 14 au matin. Et elle a duré le 14, le 15 et le 16 en remontant progressivement vers le nord. Et où on dénombre, et on sait que c'est le bon nombre, 5 sites d'exécution massifs, impliquant pour chacun d'entre eux environ 1000 personnes par site, voire pour certains un peu plus. Dans le camp des organisations humanitaires internationales, c'est l'inquiétude et la mobilisation. Le Haut Commissariat des Nations Unies tente, malgré l'absence d'un feu vert, d'acheminer de la nourriture et des médicaments depuis Belgrade vers l'enclave musulmane. De son côté, l'organisation française Médecins Sans Frontières a renouvelé sa demande urgente d'aide humanitaire pour l'enclave. Seule réaction internationale virulente pour le moment, celle de Jacques Chirac, le président de la République française, a rappelé cet après-midi devant le Sénat qu'il était prêt à mettre tous les moyens disponibles dans une opération de l'ONU. Le chef de l'État s'est également demandé ce que fait dans l'ex-Yougoslavie la FORPRONU si à la première offensive serbe, elle renonce à sa mission. '95 est particulière pour deux choses en France. C'est un, la prise d'otage des soldats français qui a fait hurler Chirac. Chirac a été élu, donc il succède à Mitterrand qui lui disait « on bouge pas, on bouge pas, on bouge pas, on bouge pas, on bouge pas ». Il est remplacé par Chirac. Chirac, il voit ça, il dit « c'est un vrai scandale, enfin, ça, on peut pas faire ça des soldats français ». Et Srebrenica. Jean Asfeld, journaliste. Srebrenica où l'armée française est quand même mouillée jusqu'au cou. Jusqu'au cou. On accuse toujours les Hollandais parce que on les voit en film. Ils sont sur place et puis on les voit boire un coup avec Mladic et puis être désemparés et puis ça. Mais enfin, le commandement militaire était français. Donc ils étaient à 10 km, ils n'avaient qu'à intervenir. Ils n'ont pas voulu intervenir. Mais il y a ces massacres de trois jours. Et là, c'est plus possible. C'est même, je crois qu'au sein des armées, c'est-à-dire des armées françaises, britanniques, tout ça, il y a quand même un sentiment d'humiliation, quoi, de dire on est là, on a un armement deux fois plus puissant, deux fois plus fort, on a une logistique, parce qu'ils ont l'informatique, ils ont tout ça, et on n'est pas capable d'empêcher le massacre de 11 000 personnes en trois jours dans les fourrés. C'est honteux pour nous, c'est honteux, on a l'aviation, plus l'aviation. Donc fin août, je ne sais plus si c'est le 25 ou 29 août, ils bombardent toutes les installations serbes. Tout le monde s'y met un peu, les Français étaient sur Ingman, les Américains, enfin tout le monde, je crois que c'est le moteur est américain. Mais les Français se participent, tout le monde participe. Enfin, je crois que tout le monde est sollicité. Et puis alors, à ce moment-là, bon, après, c'est le premier cessez-le-feu début septembre, deuxième cessez-le-feu, troisième cessez-le-feu, qui dure de plus en plus longtemps, puis l'accord de Dayton en novembre, décembre, je ne sais plus. C'est comme ça que ça se termine. Sans qu'il y ait d'éléments nouveaux décisifs, il est beaucoup question en ce moment de charniers qui se trouveraient aux alentours de Srebrenica ainsi que dans les mines de Loubia. France Inter, 21 janvier 1996. Le secrétaire d'État américain chargé des droits de l'homme a pu cet après-midi se rendre près de Srebrenica pour enquêter sur la réalité de ces charniers, signe de l'importance accordée par les Américains à ce dossier. L'amiral Leighton Smith a précisé que les soldats de l'OTAN ne monteront pas la garde autour de ces charniers. En revanche, une surveillance aérienne des principaux sites sera effectuée. Selon la Croix-Rouge, quelques 8000 habitants de Srebrenica sont portés disparus. Selon le gouvernement bosniaque, 24 000 personnes sont portées disparues depuis le début de ce conflit. L'enquête, elle évolue au moment où les charniers sont découverts, hein. Pas du tout. Non. C'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a d'abord le recueil des témoignages, ensuite il y a le fait d'essayer de déterminer les lieux où ça a pu se produire, ce qui n'est pas forcément évident. La campagne d'exhumation a démarré dès le mois de juin, en fait, sur les principaux sites. À la fin de l'année de 1996, le travail avait déjà pu être fait sur les sites vraiment principaux, les plus gros, les plus massifs. Et là... là où on pensait trouver donc des milliers de corps, en fait, à la fin de l'année, on en a eu 500. Newsweek avait publié un article « Génocide sans corps ». Sauf que, au cours de cette campagne d'exhumation, à chaque fois qu'on ouvrait des fosses communes, on se rendait parfaitement compte qu'en fait, les sites avaient été réouverts et volés de leur contenu et disparus. Voilà. L'année suivante a donc été l'année dédiée à retrouver où étaient tous ces cadavres. Donc là, l'appui à l'enquête significatif a été de pouvoir accéder à l'imagerie aérienne fournie par le département d'État américain. Et donc sur la base de cette imagerie, on peut comparer l'état d'un terrain, on va dire, à la date du 5 juillet, reprendre une image qui a été prise le 27 juillet et voir la différence. Lorsqu'une tache blanche apparaît sur un terrain qui avant était tout gris, on se dit, là, il s'est passé quelque chose. Et donc ensuite, par contre, il faut accéder au terrain, analyser la surface, prendre sa pelle, creuser les trous et voir s'il y a des cadavres en dessous. Et c'est comme ça qu'on a procédé site par site. Et donc à ce moment-là, vous avez pu vous rendre sur les lieux? Alors, l'accès au lieu, il a d'abord fallu attendre Dayton. Il a fallu attendre ensuite que l'hiver se passe, que la neige fonde. Et dès la fonte des neiges, dès le mois d'avril, monter la première mission de vérification sur le terrain pour aller justement voir si les écoles qu'on soupçonnait être celles qui avaient été utilisées, aller vérifier sur les terrains attenants s'il y avait des traces de quoi que ce soit. Et bien évidemment, on était très précis, puisqu'on avait quand même la vérification par l'imagerie, et c'était, entre guillemets, malheureusement, bingo à chaque coup, quoi. Et cette chronologie des événements a servi au bureau du procureur pour rédiger l'acte d'accusation contre Karadzic Mladic, spécifique sur Srebrenica, et qui est donc tombé au mois de novembre 1995. Sachant que les deux étaient déjà inculpés au mois de juillet, mais pour des faits qui dataient de entre 1992 et 1995, ce qui n'incluait pas Srebrenica, qui était l'événement nouveau, on va dire. Les Serbes ont demandé aux soldats de la Forprenu qu'ils éteignent les phares de leurs véhicules pour qu'on ne les voie pas égorger les gens. On essayait de céder entre nous, mais il y en avait parmi nous qui s'évanouissaient de peur. Les Serbes ont alors emmené des jeunes surtout, de l'autre côté de la rivière. Ils égorgeaient les hommes et des enfants et violaient les filles avant de les ramener vers nous. Une des spécificités de cette guerre, ça a été une politique de viol, en fait, qui a été décidée, commanditée, on peut dire ça maintenant, par l'armée serbe. Je ne sais pas si on pourrait dire une politique de viol. Laurence Jourdan, réalisatrice. Ce qui est certain, c'est que le viol a été utilisé stratégiquement comme arme de guerre dans le cadre de la guerre de Yougoslavie et tout spécifiquement en Bosnie. Ça s'inscrivait dans le cadre de l'épuration ethnique que les Serbes avaient décidé de faire. Et en fait, le but était très clair, c'était de faire éclater les communautés, de jeter le discrédit et d'annihiler complètement les communautés bosniaques. Dès le début, il y a plusieurs actes d'accusation qui visent des miliciens ou pas des rangs subalternes, on va dire. Et il y a des accusations de viol, notamment dans les camps de la région de Prijedor. Des viols en détention. On dit beaucoup que la justice internationale fait l'impasse sur ces questions-là. Et moi, j'en ai pas l'impression. Et je pense qu'au TPY, la question a été traitée. Il y a eu beaucoup de procès où on a évoqué les viols contre les femmes, contre des hommes, et les viols comme tactique de guerre, comme méthode pour humilier, pour rabaisser, pour atteindre le moral de l'ennemi. Il y a eu des camps dans lesquels elles étaient gardées jusqu'à 7 mois, de façon à ce qu'elles ne puissent plus du tout avorter. Et elles soient obligées d'accoucher. Et donc il y a eu énormément d'enfants qui sont nés de ces viols. Et effectivement, ces camps de viols, ça a été ça par contre une spécificité incroyable, l'idée étant, là encore, de vraiment d'affecter la descendance, de faire disparaître, si vous voulez, un groupe ethnique, de le mêler. Et on disait notamment à ces femmes, qu'elles allaient faire des petites tchétniques, donc à savoir des petits serbes nationalistes. C'est le TPI qui a reconnu ce crime, qui a le premier organisé les jugements, le recueil de témoignages également. Et c'est donc comme cela que sur place, ces femmes bosniaques et autres d'ailleurs, ont décidé de parcourir la Bosnie et de recueillir elles-mêmes les témoignages pour les transférer au TPI, pour les envoyer en tant que preuve, et essayer de trouver le maximum de personnes qui acceptent de monter témoigner à La Haye. Pour moi, je pense que l'inscription par le TPI, dès sa création en 1993, du viol comme crime de guerre et de l'esclavage sexuel comme crime contre l'humanité, c'était considérable. Le fait qu'il dénonce cela et que soient entrepris véritablement les recherches de criminels de guerre et les jugements, je pense que ça a été considérable, et considérable aussi pour les victimes. Mais considérable, c'est-à-dire dans leur esprit, enfin elles pouvaient s'adresser à une entité qui était indépendante, parce que c'était majeur, qui était indépendante pour leur apporter les éléments et pouvoir espérer obtenir réparation par la justice. On sait à peu près l'ampleur que ça a pu prendre en Bosnie. Vous avez des chiffres? Ce qui a été avéré, c'est que de toute façon, il y a plus de 20 000 femmes bosniaques qui ont été victimes de viols pendant le conflit de l'ex-Yougoslavie en Bosnie. Il a fallu attendre pour que les gens croient à cette histoire des viols collectifs, des viols décidés par... politiquement, c'est-à-dire des viols qui ne sont pas ceux de soudards comme il y a là dans toutes les guerres, ou des soldats un peu bourrés, voilà, comme ils ont fait à Berlin, etc. Mais c'est des viols de terreur. Le début de la guerre, nous, on est paumés, hein. On est vraiment perdus, on comprend pas encore tout ça, et on sait pas encore la purification ethnique, on sait pas encore les massacres sanglants et tout ça. On voit une guerre se développer, et on se dit c'est la guerre, quoi. Donc, on est plutôt du côté des gens qui sont agressés qu'agresseurs, mais enfin, c'est comme ça. Et donc, effectivement, au début, d'abord, il y avait Karadzic qui était extrêmement séduisant, enfin, le beau mec et tout ça, enfin, qui faisait le beau. À la Yougoslave, mais enfin, qui faisait le beau, poète, psychiatre, etc. Donc, il vous roule un peu dans la semoule. Et puis, ce Mladic, qui était un bon gars, un peu rougeau, etc. Et effectivement, moi, une fois, je rencontre Mladic, c'était sur une route. Et la route était barrée par un tronc d'arbre, comme ça, et nous on l'a bloqué par la voiture, puis le tronc d'arbre était un peu lourd, puis là-dessus arrive Mladic avec quelques-uns de ses hommes, et il dit, mais il n'y a pas de souci, il donne des ordres à ses hommes, qui débarrassent l'arbre, il dit, vous pouvez y aller, etc. En plus, on allait voir des massacres, parce qu'ils avaient, les Serbes n'avaient aucun sens au départ de la communication. Ils n'avaient pas du tout... la propagande et la communication, c'est une arme terrible de la guerre. Enfin, ça fait autant que les tanks. Mais eux, ils ne l'avaient pas du tout. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas méfiants. Ils pensaient, en plus, qu'on serait toujours de leur côté. Parce qu'il y a quand même cette idée serbe que puisqu'ils ont toujours été du bon côté du Manche dans l'histoire, pour la Deuxième Guerre mondiale notamment, où quand même ils ont été incroyables, au contraire des autres. Enfin, on allait épouser leur cause immédiatement. Si vous allez voir ça à Belgrade, ils continuent d'ailleurs à ne pas comprendre comment on les a trahis. Une fois que les faits ont été établis, c'est déjà une bonne chose. Mais après, il faut retrouver les responsables. Et là, c'est une deuxième phase de l'enquête, qui a en fait démarré assez tardivement, parce que la première phase a duré longtemps. Donc la deuxième phase recherche des auteurs, c'est en 1998. Donc 3 ans plus tard, c'est quand même un peu long. Mais fort heureusement, on a pu retrouver pas mal de choses, en perquisitionnant les 2 brigades militaires bosno-serbes dont on se doutait bien qu'elles étaient particulièrement impliquées. On a pu retrouver, malgré le fait qu'ils avaient effacé leurs archives de juillet 1995, des éléments extrêmement probants qui nous ont permis de nous lancer dans un processus d'audition de tous ces gens-là. Et quand je dis de tous ces gens-là, c'est du chauffeur jusqu'au général. Donc bien évidemment, chacun d'entre eux se protégeait lui-même, mais donnait tous les éléments concernant les autres. L'organisation de l'unité, qui était présente tel jour, qui faisait quoi, ils y voyaient entre guillemets pas le mal, quoi. Et c'est ce qui a permis de reconstituer justement qui était qui et qui faisait quoi à ce moment-là. Tout le monde attend la conférence de presse que tiendra Louise Arbour, le procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Dans une heure, elle pourrait annoncer l'inculpation du président Slobodan Milosevic. Cette initiative représenterait un tournant dans le conflit qui oppose l'OTAN à la Serbie. Il reste à savoir quels effets aurait une inculpation. Les avis sont déjà partagés avant même que Louise Arbour confirme ou démente la rumeur qui court depuis hier soir. Milosevic est mis en accusation au tout début de la guerre au Kosovo. C'est un peu l'acte de trop pour lui. C'est-à-dire que jusqu'ici, il a été plus ou moins épargné par le TPI. Alors, c'est pas une volonté de l'épargner, mais c'est simplement le TPI se concentre beaucoup sur les bosno-serbes. Et donc, il y a évidemment des éléments de preuve sur les actes de Milosevic, mais il s'est pas encore formalisé dans un acte d'accusation ou dans un mandat d'arrêt. En 1999, c'est la fin des guerres en ex-Yougoslavie. Après les bombardements de l'OTAN sur la Serbie et la fin de la guerre du Kosovo, il est temps de juger les coupables. En septembre 2000, Slobodan Milosevic perd l'élection présidentielle mais refuse de reconnaître son échec. Des manifestations ont lieu dans tout le pays, la révolution est en marche et le 5 octobre, à Belgrade, des milliers d'opposants au régime prennent d'assaut la radio-télévision de Serbie, symbole du pouvoir en place. Le 7 octobre 2000, Milosevic est contraint de démissionner. Pour le TPIY, la chute du président serbe va enfin permettre d'envisager son extradition vers la Haye. France Inter. Le président du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le français Claude Jorda, ne va pas chercher midi à 14h. Pour lui, la remise de Slobodan Milosevic à la justice internationale est un moment historique. Carla Del Ponte, le procureur du tribunal, ajoute « C'est un tournant important, on se souviendra de ce jour ». À Belgrade, hier soir, personne n'a vu partir l'ancien dictateur, malgré les quelques dizaines de ses partisans qui montaient la garde devant sa prison. Il y avait en revanche beaucoup de monde la nuit dernière à La Haye pour son arrivée à 1h du matin sur la base militaire de Valkenburg, à bord d'un avion Orion de l'OTAN. Pour qu'il soit arrêté, en fait, faut attendre un changement de régime à Belgrade. C'est Zoran Djindjic qui prend le pouvoir. Donc c'est un libéral, c'est un Européen convaincu. Donc on tourne la page, au moins provisoirement, du nationalisme. Mais il y a toute une séance assez longue où Slobodan Milosevic est retranché dans sa maison. Son arrestation et son transfèrement vers La Haye est assez compliqué. Et Zoran Djindjic perdra la vie puisqu'il sera assassiné quelques mois plus tard, après donc avoir livré, entre guillemets, Slobodan Milosevic à La Haye. C'est un événement de portée mondiale qui marque cette journée du 12 février 2002 et c'est une date pour l'histoire. Aujourd'hui a donc commencé le procès de Slobodan Milosevic à La Haye devant le tribunal pénal international. Procès inédit, c'est la première fois en effet qu'un ex-chef d'État comparaît pour les crimes les plus graves qui soient. Car Milosevic est accusé à la fois de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Croatie, Kosovo, Bosnie, ainsi s'est terminé le XXe siècle dans un déferlement de violence dont Milosevic apparaît comme l'instigateur numéro un, celui qui a soufflé sur les braises et provoqué cet incendie au cœur de l'Europe. Le martyr des populations civiles, le viol comme arme de guerre, la réapparition des camps de concentration, c'est de tout cela dont Milosevic va devoir répondre au cours d'un procès qui va durer au moins 2 ans. Il est inculpé, on va dire, sur 3 conflits, 10 ans de guerre. Il est inculpé sur toute l'histoire de la dislocation de l'ex-Yougoslavie. Donc à la fois pour les crimes commis par l'armée bosno-serbe, pour les crimes commis par les Serbes de Croatie. La procureure l'avait appelé l'architecte central de ces 10 années de guerre. Mr. Milosevic. Monsieur Milosevic, je vois que vous n'êtes pas représenté par un avocat aujourd'hui. Les débats vont être longs et complexes. Souhaitez-vous un peu de temps pour décider si vous voulez être représenté? Je considère que ce tribunal est factice et l'acte d'accusation erroné. Je n'ai pas besoin d'être représenté par un avocat devant un organe illégal. Slobodan Milosevic avait refusé d'avoir des avocats, en tout cas de les laisser parler à sa place. Donc c'est lui qui procédait au contre-interrogatoire. Ça a été beaucoup critiqué. Moi, je pense que c'était une très bonne chose. D'abord parce que l'avocat a toujours une faculté à cacher la personnalité propre de l'accusé, à créer des stratégies qui empêchent de voir qui est clairement l'accusé qu'on a. Donc, dans le cas de Milosevic, on pouvait voir très clairement qui il était. 4 ans de procès, donc ça laisse le temps de voir et de voir notamment ce genre de stratégie qui était quand même assez choquante. Et l'autre chose, je crois que du côté des témoins en fait qui viennent déposer, certains étaient plutôt, même s'il y avait justement ces accusations-là venant de Milosevic et ses attaques, c'était quand même assez fantastique pour eux de pouvoir être face à face. Et c'était eux qui avaient le pouvoir, c'était les témoins à ce moment-là qui avaient le pouvoir, c'était pas Milosevic. Et donc lui était tenu de suivre ce que leur demandaient les juges et voilà, et de pouvoir raconter leur histoire. Il y a eu des témoins qui ont pu dire à Slobodan Milosevic, vous mentez. Il y a eu des témoins qui ont pu dire à Slobodan Milosevic, vous êtes un criminel. Carla Del Ponte, vous espérez par exemple l'arrestation du général Mladic ou de M. Karadzic prochainement? Je souhaite l'arrestation de tous les fugitifs, comme on dit en anglais, c'est-à-dire on a quelques 40 personnes sous mandat d'arrêt qui ne sont pas encore arrêtées. Pour ce qui est de de l'autorité française, il s'agit de 12 personnes. Est-ce que les deux que je viens de citer sont dans les 12 ? Oui, non, les deux sont seulement un. Lequel ? Oh, ne me le faites pas dire, je l'ai déjà dit tellement de fois. Vous êtes sûr que les Français vous aideront à traquer M. Karadzic ? Absolument, oui. Après les réunions qu'on a eues ces jours. Au début des années 2000, en fait, la procureure Carla Del Ponte va mettre en place une stratégie qu'on a appelée la conditionnalité. C'est-à-dire qu'elle va s'allier les Européens, elle va convaincre les Européens de dire « on pourra entamer les négociations pour votre entrée dans l'Union européenne que si vous coopérez pleinement ». Avec le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, c'est-à-dire arrêter les suspects. Il y avait une liste assez longue, hein, 50, 60 personnes inculpées qui étaient à Belgrade et qui circulaient, oui, librement, on pouvait les voir. Et puis aussi les preuves, enfin, il fallait une coopération pleine et entière. Moi, j'ai quitté le tribunal en 2001, une fois terminé le procès du général Kurtsic. Sachant que derrière, c'était un peu l'autoroute. Hein. Il n'y avait plus qu'à dérouler des actes d'accusation, des inculpations. Et puis je savais bien que de toute façon, au fur et à mesure de la façon dont on allait nous égrener finalement les personnes les plus particulièrement responsables, cette façon de nous les égrener, ça sentait parfaitement, entre guillemets, le coup monté, le but ultime étant de retarder au max du max l'arrestation et du général Mladic. C'est lui le joyau de la couronne. C'est même pas Radovan Karadzic, c'est Ratko Mladic. Donc on a vu un certain nombre de personnalités politiques et d'officiers arriver à La Haye, mais évidemment toujours pas Ratko Mladic, hein, qui était ni Radovan Karadzic. Radovan Karadzic tout sourire, réélu triomphalement à la tête de sa formation, l'ultranationaliste Parti démocratique serbe, c'était il y a à peine 2 semaines. Le même jour, Ratko Mladic passait en revue ses troupes devant les caméras internationales. 2 hommes paradant en liberté, visiblement persuadés d'avoir encore de beaux jours devant eux. Et pourtant, 2 hommes théoriquement mis au ban de la communauté internationale. Depuis juillet-novembre 1995, mis en accusation, inculpés par 2 fois déjà par le tribunal international de La Haye, crime contre l'humanité, génocide et crime de guerre. Les 2 hommes courent toujours et pour cause. Une de nos équipes, il y a quelques mois, rencontrait Radovan Karadzic dans son fief de palais. Est-ce que les troupes de l'IFOR ont tenté de vous arrêter ? Non. Ils n'ont jamais essayé de le faire. Je voyage dans tout mon pays, mais pas à travers leurs checkpoints. C'est mon pays. Il y a beaucoup de routes. Je vais où je dois aller. Simple. Les militaires de l'OTAN estiment que leur mandat permet seulement d'interpeller les personnes inculpées si elles se présentent au barrage, pas d'aller les débusquer. Exemple, ce jour-là, les soldats français de l'IFOR étaient en mission à peine 200 mètres des bureaux de Karadzic, sans s'en préoccuper. De nouveaux mandats internationaux viennent donc d'être émis ce soir. Alors, Karadzic et Mladic arrêtés dès demain ? Peu vraisemblable. Il faut savoir que le tribunal pour l'ex-Yougoslavie n'a pas de force de police. Hein, c'est sa grande faiblesse. Et donc, pour obtenir l'arrestation des criminels qui sont inculpés, il faut passer par la coopération des États. Dans le cas présent, il y avait une force internationale présente sur le territoire de Bosnie-Herzégovine. Et donc, c'était à cette force internationale d'arrêter. Sauf qu'au tout départ, au démarrage, en fait, personne, aucune force internationale, hein, ni les Français, ni les Britanniques, ni les Américains, n'arrête les criminels qui sont inculpés par le TPI. Pour plein de raisons. Parce qu'on craint que ça redéclenche le conflit. On a peur, hein, donc on veille à la paix. Et le tribunal, là, est devenu un peu accessoire. Hein, on peut l'utiliser à certains moments, mais on fait attention à ce qu'il ne provoque pas. Un enquêteur me disait, à un moment donné, on est arrivé avec des mandats d'arrêt, on insistait auprès des forces internationales, et on nous disait, ah bah oui, mais si vous arrêtez un tel ou un tel, vous allez provoquer la Troisième Guerre mondiale. La mort de Slobodan Milošević, il a été retrouvé sans vie ce matin dans le lit de sa cellule au centre de détention des Nations Unies à Scheveningen, à La Haye. 11 mars 2006. Milošević, l'ancien président yougoslave, était âgé de 64 ans et il était jugé par le tribunal pénal international pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Son procès va donc s'arrêter là. En attendant, il y aura enquête pour connaître les causes de la mort de Milosevic, car ses partisans, il en a encore, accusent déjà le TPI d'en être responsable. En fait, Milosevic est mort dans sa cellule, hein, dans la prison de Scheveningen, à côté du tribunal, avant qu'un verdict puisse être prononcé. Et peut-être ce verdict-là aurait permis d'avoir une responsabilité de Slobodan Milosevic et derrière, hein, évidemment, de l'État serbe dans ces crimes-là. Dans ce sens-là, c'est un peu un échec du tribunal, parce qu'il y a eu des éléments de preuve, et notamment... il y a eu un bras de fer assez serré pour obtenir des preuves qui montrent en fait que beaucoup d'éléments, et notamment l'encadrement en fait de l'armée serbe de Bosnie, donc l'armée de Mladic, recevaient leur salaire de Belgrade, étaient parfois entraînés par Belgrade, recevaient des armes ou du moins des moyens pour pouvoir se procurer des armes de Belgrade. Et tout ça, ça apparaît dans les témoignages, ça apparaît dans les pièces à conviction qui ont été déposées, mais ça n'apparaît dans aucun jugement. Pourquoi ? Parce que le procureur n'a pas réussi à apporter les preuves formelles d'une planification objective de Belgrade pour la commission des crimes. Ratko Mladic était protégé, hein, par les milieux, par l'armée, hein, par les milieux militaires en fait à Belgrade, donc il a pu échapper comme ça pendant assez longtemps. Et pour Karadzic, eh bien, on l'a découvert aussi à Belgrade. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il avait sous les traits d'un gourou, donc il avait essayé de changer son allure. Hein. Il avait une grande barbe, il vivait dans un petit appartement très discrètement, et il donnait il faisait de la médecine douce. Oui, naturopathe. Naturopathe, ouais, c'est ça. Ouais. Il y avait eu le général Gotovina, hein, ce croate, qui était en fuite aussi et qu'on a retrouvé, je crois que c'était à Tenerife. Et pourquoi il a été retrouvé à Tenerife ? C'est la tracking team en fait du tribunal pour l'ex-Yougoslavie qui a pisté sa femme, qui a pisté ses téléphones portables et qui a fini par faire procéder à son arrestation. Alors là, c'était plus facile, hein, par la police espagnole. Et voilà, donc il a pu être arrêté comme ça. Ratko Mladic devrait être transféré aujourd'hui ou demain au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à La Haye. L'ancien chef militaire serbe est inculpé pour crime contre l'humanité, crime de guerre. Il est considéré comme responsable du massacre et génocide. Il est considéré comme responsable du massacre par les forces serbes d'au moins 8000 musulmans à Srebrenica en Bosnie. C'était en juillet 1995. Il a pourtant de nombreux supporters en Serbie. Certains d'entre eux ont d'ailleurs manifesté hier à Belgrade. Oui, cela ressemble à un baroud d'honneur. L'extrême droite nationaliste serbe a rassemblé près de 10 000 personnes, tout de même, hier soir, devant l'Assemblée nationale, pour dénoncer les traîtres qui ont livré son héros, le général Mladic. Monsieur Mladic, veuillez vous lever et prêter serment. Ce tribunal, le tribunal de La Haye, je ne le reconnais pas. C'est une création de l'OTAN et non une cour de justice. C'est un tribunal satanique qui nous juge parce que nous sommes serbes et défendons notre peuple contre vous. Monsieur Mladic, je vous coupe. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors, à l'époque, évidemment, bon, il y a une négation, hein, de ce tribunal. On sait maintenant qu'ils étaient assez inquiets par ce que pouvait faire ce tribunal. Donc, à la fois, ils rejetaient toute légitimité, mais en même temps, ils voyaient bien que c'était une autorité qui avait un certain poids. Par exemple, il y a eu une des pièces à conviction très très intéressante déposée dans le procès Mladic, qui était son agenda, son journal de guerre, qui a été retrouvé par les enquêteurs du TPI. Et dans ce journal de guerre, eh bien, il y a des épisodes où on voit bien que la question du tribunal se pose. Et puis il y a une négociation à un moment donné, et ça c'est plus pour Karadzic, c'est-à-dire qu'on veut la communauté internationale au sens large, mais les négociateurs en fait de l'époque, et notamment l'Américain Richard Holbrooke, veulent le sortir de la vie politique. Parce que, bien, il y a des tonnes, il y a la paix. Et donc, le tribunal va servir à les sortir de la vie politique. Il y a un genre de négociation, en fait, entre Holbrooke et Karadzic, où Holbrooke dit à Karadzic, tu te retires de la vie politique, tu disparais, et je ne t'envoie pas au TPI. Inter. 22 novembre 2017. Un vieil homme malade éructant du fond de son box. Voilà la dernière image pathétique du chef de guerre Ratko Mladic, l'ancien leader militaire des Serbes de Bosnie, a donc été condamné à la perpétuité par le tribunal pénal international de La Haye. Une condamnation lourde mais insuffisante toutefois pour certaines victimes, notamment à Sarajevo. La perpétuité qu'il a eue n'est pas suffisante pour les crimes qu'il a commis. Difficile d'oublier tout ce qui s'est passé. Je pense qu'on va rester marqué à vie. Je pense profondément qu'un peuple, Vladimir Perichic, réalisateur, doit trouver la force, surtout après ce qui s'est passé, de condamner soi-même le crime. Et je pense que ça nous aurait tous bien fait si on avait eu à la fois la force morale et surtout politique de le faire. Après, il faut bien reconnaître qu'il n'y avait ni volonté ni force politique de le faire. Je crois que même s'il y avait eu encore plus de volonté de le faire, politiquement, ça aurait été très difficile de le faire. Donc, dans ce sens-là, je pense que c'est très bien que le TPI a existé et qu'il a eu ce pouvoir de juger. Pour beaucoup, le TPI est vécu ici comme une justice étrangère et une sorte de bras prolongé de l'OTAN. Voilà. Les tribunaux internationaux ne s'appliquent pas aux soldats américains, par exemple. Donc, c'est pas qu'ils sont totalement sans argument. C'est pour ça que je pense que c'est important que les peuples font leur justice eux-mêmes. On peut parler notamment de la Serbie, qui a eu le sentiment d'avoir été jugé par ceux-là même qui ont bombardé Belgrade. Ça posait véritablement un problème à vos yeux, cette question-là, d'être à la fois jugé et parti. Au moment où le procureur commence à sortir ses premiers actes d'accusation, et on voit bien que le procureur, qui doit faire des choix, hein, comme n'importe quel procureur, choisit de poursuivre les auteurs de ce qui est considéré comme les crimes les plus graves, en tout cas, qui ont la plus grande ampleur, et ce sont les crimes commis par l'armée bosno-serbe. Et derrière par la Serbie. Et donc, évidemment, les premiers actes d'accusation qui sortent ciblent essentiellement des Serbes et des Bosno-Serbes, ce qui provoque un certain nombre de reproches, reproches qui sont relayés à la fois par des personnalités politiques de Bosno-Serbes et Serbes, mais aussi, ces reproches sont relayés aussi par la Russie. Et le tribunal commencera réellement à produire des actes d'accusation contre des personnalités croates ou bosniaques à partir du début des années 2000. Cette contestation de la légitimité, elle est bien réelle, mais au final, ce tribunal aura quand même tenté de poursuivre un peu toutes les parties de l'histoire du conflit. Mais il y aura eu moins de moyens donnés sur les poursuites contre, par exemple, des généraux bosniaques. Il y aura eu moins de moyens contre des bosno-croates, mais il y aura quand même eu des poursuites. Jean-Arnaud Derains, le travail qu'a pu faire le TPI a permis l'émergence d'une justice déjà, mais aussi peut-être d'un discours un peu plus commun ou absolument pas, au contraire? En aucun cas. Le bilan du TPI est catastrophique de ce point de vue-là. Il est complètement, le TPI s'est révélé malheureusement très largement contre-productif de ce point de vue. Si vous voulez, comment dire, il y a une confusion énorme. Il y a une confusion de fond. le tribunal pénal international était chargé de rendre la justice, donc de juger des individus pour leur responsabilité pénale personnelle sur les faits qui leur étaient incriminés. Le tribunal a fait ce travail-là, alors on peut contester certains de ses jugements, mais enfin fondamentalement, il a fait son boulot en la matière. Sauf que rendre la justice, dire que Monsieur X ou Monsieur Popovitch ou Monsieur Petrovitch est coupable ou n'est pas coupable, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la confrontation avec le passé. Là, il y a eu une énorme ambiguïté. Je pense qu'on a confondu énormément de concepts. Le modèle qui a marché, c'est par exemple celui de la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, où là, justement, on a permis à la société de regarder son passé, mais en effaçant la justice. En acceptant le fait que des gens responsables de crimes n'aient pas à en répondre en justice. Je crois qu'il faut réfléchir sur tout cela et ne pas donner à la justice plus que ce qu'elle ne peut faire. Je pense aux années 2013-2014, notamment, il y a eu des vagues d'acquittement de très hauts dirigeants, de très hauts responsables, aussi bien serbes que croates. C'était une sorte de match de foot. Quand vous aviez un dirigeant croate qui était relaxé, tout le monde klaxonnait, faisait la fête à Zagreb. Et quand c'était un serbe, tout le monde klaxonnait et faisait la fête à Belgrade. C'était, comment dire, on était tout à l'inverse d'une justice transitionnelle permettant aux sociétés de se réconcilier avec leur passé. Aujourd'hui, on est très très loin d'une mémoire commune, d'une vision commune, tant par rapport aux dernières guerres qu'aux crimes qui ont été commis. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Quand des personnes condamnées, donc reconnues coupables de crimes de guerre, qui reviennent libres dans leur pays, que ça soit en Croatie ou en Serbie, parce que, mettons, des gens qui ont commis des crimes épouvantables ont été condamnés à les, mettons, à 20 ans de prison, et la règle à peu près au TPI, que je trouve tout à fait légitime, c'est que les gens sont libérés aux deux tiers de leur peine, hein, ce que je ne suis pas du tout pour maintenir les gens ad vitam aeternam ou en prison. Même les pires criminels du monde, ça ne règle aucun problème, donc c'est très bien qu'ils reviennent. Le problème, c'est que quand ils sont libérés, quand ils rentrent en Croatie ou en Serbie, ils sont accueillis comme des héros. Certains ont même quasiment, je pense à un criminel de guerre croate, a été accueilli par l'évêque de sa ville. Enfin, voilà. Comment, dans ces conditions-là, imaginer que le TPI ait pu contribuer à quoi que ce soit de positif? Et c'est vrai également en Serbie, où au meeting du parti au pouvoir, du parti de Monsieur Vucic, du parti progressiste serbe, on a vu aussi des gens condamnés, c'est-à-dire pénalement reconnus comme étant des criminels de guerre. Il y a beaucoup de confusion dans certains jugements. Ouais. Gotovina, d'abord condamné, 25 ans, puis libéré. Pour les Croates, il reste innocent. Pour les Serbes, c'est un criminel de guerre. Voilà. Si le rôle du TPI, c'était la réconciliation, il n'a pas joué son rôle. Après, est-ce que la réconciliation est le rôle d'un tribunal? C'est pas sûr. En tout cas, ils nous ont débarrassés pour un certain temps de certains gens. Je ne sais pas si ça nous a aidé de trouver un récit commun sur cette guerre. Je crois que le problème, qu'aujourd'hui encore, vous avez des récits très différents sur ce qui s'est passé. Et je sais que quand j'ai fait le casting pour mon film Ordinary People, je suis allé chercher des noms acteurs en Bosnie. J'étais seul dans la voiture et donc je roulais d'un village à un autre. C'est 40 kilomètres. Et sur la même fréquence de radio, entraient des radios différentes, serbes, croates, bosniaques. Et c'était trois récits totalement différents. Quelle serait pour vous, Stéphanie Maupas, la réussite de ce tribunal, ou ses réussites? La libération de la parole des victimes, peut-être? Pendant toutes ces années, hein, il y a beaucoup, beaucoup de victimes qui étaient des témoins, en fait, qui sont venus raconter ce qui s'est passé. Donc, c'est enregistré. Alors, je pense à ce moment où une femme était venue témoigner et elle demande à l'accusé où sont ses fils. Elle a deux fils qui ont disparu. Elle se souvient du jour de leur disparition, donc ils sont pris par les forces bosno-serbes. Elle se souvient de tout ça, mais elle veut savoir. Les corps n'ont pas encore été retrouvés, donc elle veut savoir dans quelle fosse commune ils sont. Elle veut savoir leurs dernières minutes, qu'est-ce qui s'est passé à la fin, comment ils sont morts. Et l'accusé à ce moment-là, qui s'est repenti hein, et qui a plaidé coupable de crimes contre l'humanité, lui dit, parce qu'en fait ils se connaissent d'avant la guerre, hein, et l'accusé lui dit, voilà, tes fils sont là, je les ai vus, ils étaient habillés comme ça, comme ça. Et ça c'est un épisode assez fort hein, de ce qui a pu se passer devant ce tribunal. Plus largement, en fait, je pense qu'il y a deux éléments principaux d'avoir permis en fait d'écarter de la vie politique les principaux acteurs de la guerre et d'avoir permis d'enregistrer ce qu'a été cette guerre. Alors, par ces témoignages, hein, comme on disait, mais aussi par toutes les pièces à conviction, et c'est colossal, en fait. Le nombre de pièces à conviction qui ont été obtenues par ce tribunal, et difficilement, hein, ça a été aussi un sérieux bras de fer entre les enquêteurs et les forces politiques dans les différentes entités. Mais tout ce matériel-là, aujourd'hui, peut permettre, et permet d'ailleurs, hein, puisqu'il y a un vrai travail qui est fait sur la base des archives du TPY, permettre à la fois de, d'écrire l'histoire hein, de cette guerre, et puis aussi de contrer toutes les voix négationnistes. Et ça, je pense que c'est vraiment l'héritage principal de ce tribunal. En temps de guerre. Avec Stéphanie Maupas, Jean-René Ruez, Jean Asfeld, Laurence Jourdan, Vladimir Perichich et Jean-Arnaud Derrins. Avec les voix de Christophe Léger et Samuel Glomé. Prise de son Frédéric Quéroux, Claire Levasseur, Emmanuel Armin et Nicolas Depagraf. Mixage Jean-Louis Deloncle. Merci à Oscar Le Polotech, Alexandra Kobylski, Lamia Rujdic-Barbier de l'Association des anciens étudiants des universités croates et Gauthier Morax. Merci à Denis Forget de l'INA, Leila Fernbach de la documentation d'actualité de Radio France. Coordination Marie-Vonne Abolivier et Perrine Kervran. Un documentaire de Christelle Le Polotech réalisé par Somanina. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter au TPI, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Anaï Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter au bon moment, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire, qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, dernier épisode, 25 ans après les accords de Dayton.